Realität, so du kriegst du dich so zu. Fokus out of sick, der kann ich grad auch zu. Sorgs Dealer, die sind Killer, mit der Nerd, Lord, die den Mörd, Lord. Pression, au micro pire qu'une agression. Les Sorgs fait toujours bonne impression. Après t'as plus qu'à apprécier la précision du grade qui passe grave. Quand sur le sillon, le diamant c'est crason. Des marques de crason, on connaît des marchands. Pousse des paragraphes de ouf, sorti de cage. Pour toute âge, toute race confondue. Car chez nous, les meilleurs de la revue. This is from a purple coming on in us. Papa, represent, represent y'all. This is from a purple coming on in us. Papa, represent for my people. This is from a purple coming on in us. Papa, represent. Je balance un vie, quand je balance un style free, reste pas écrit. Demande-moi plutôt, so qu'est-ce que t'as écrit, bro. Plus un d'autre tas de rue, tout un d'autre tas de du pro. Posera une palette de verre, pour noir ou gris, bro. Magnifique pour rap en image, du Picasso. Ton pas être triste quand je clique à chaud. Fédéric Strong, FIFA show. Virage, mec, qu'est-ce qu'il s'achète. T'inquiète, on prendra si ça chèque. Même si ça chouffera, on shoot pas. Qu'est-ce que c'est dans le feu, pour le camp et dans les lames. Papa, Represent for my people. Qu'est-ce que c'est dans le feu, pour le camp et dans les lames. Papa, Represent.